Je vais aller rapidement. La semaine dernière, nous avons considéré la première définition que David donne de la communauté. La communauté spirituelle est bonne, agréable, dit David. Si elle est bonne et agréable, pourquoi? On s'est posé la question, pourquoi est-ce que je résiste à cet appel de la communauté? Si la communauté est un plaisir, un agrément, pourquoi beaucoup de croyants résistent à en faire partie? La réponse. Quelle réponse on a donnée? La réponse. Pourquoi, si la communauté est bonne et agréable, pourquoi nous y résistons? Pourquoi beaucoup de croyants, hein, des gens qui croient, résistent à faire partie de la communauté? Pourquoi? On a donné une réponse. Vous vous souvenez de la réponse? Je dis-nous ça. Par notre nature humaine, on tend à s'isoler. C'est ça. Donc, la réponse est exactement ça. Par notre nature, on tend à l'isolement. Ce matin, on va voir une deuxième définition que David donne de la communauté. David va dire donc, on reprend le verset 1. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Deuxième définition, c'est que la communauté est comme une expérience de frères et sœurs. David va dire que la communauté, c'est comme une famille. Je dirais que, dépendant de votre expérience familiale, cette affirmation peut vous faire plaisir, peut vous paraître rebutante, ou vous laisser complètement indifférent. Juste un sondage, vite, vite. Positif, négatif. Combien de personnes pour qui la famille, votre arrière-plan familial a été quelque chose de positif dans votre vie? Il y en a-t-il qui veulent lever la main pour dire que ça a été négatif, ma famille, c'était négatif? Hein, il y en a, ça a été négatif. Il y en a-t-il qui sont entre les deux? Hein? Ouais. À différents moments, à différentes époques. Plus jeune, c'était positif. En vieillissant, c'était moins positif. Ça s'est gâté. Ça s'est gâté à l'adolescence. Mais c'est ça, hein? Dépendant donc de notre arrière-plan, notre expérience familiale, quand on dit ça dans la Bible, que la communauté, c'est comme des frères, ben, ça se peut que pour certains, tu dis, ben, j'en ai assez de deux, j'en ai assez de trois. J'en veux pas d'autres. Hein? C'est possible, parce que notre expérience a été négative. Par contre, le concept de la famille est inscrit, et là j'utilise un grand mot, là, mais vous allez le comprendre peut-être, hein? Le concept de la famille est inscrit en filigrane dans toutes les Écritures. Hein? C'est un peu comme vous avez des feuilles, hein? Des feuilles de la papeterie de bureau. Puis là, sur le fond de la feuille, ils vont imprimer un logo, un lettrage. On appelle ça un filigrane, parce que c'est comme l'arrière-plan, le fond du papier. Puis là, on écrit par-dessus. Donc, en filigrane, dans les Écritures de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on retrouve le concept de la famille. On a à penser à Abraham, hein, à partir du moment où Dieu choisit Abraham, sa famille, ses enfants. Puis, hein, il y a tout un concept familial qui se développe, de telle sorte que le peuple d'Israël lui-même, hein, lorsqu'on pense aux 12 tribus, c'était le développement d'Abraham, c'est à partir d'Abraham, une famille qui s'est multipliée, qui est devenue une très grande famille. Dans le Nouveau Testament, on pense à Jean 1, 12. Et là, je ne veux pas utiliser un jargon évangélique. Pourquoi je m'abstiens d'utiliser certains mots? Mais je fais référence à Jean 1, 12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, non, la parole de vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, dans le projet de Dieu. Et j'ai évité le mot nouvelle naissance. Hein? Oui, j'ai évité de l'utiliser. Parce que la nouvelle naissance est seulement une expression de ce qui se passe. Mais, dans le projet de Dieu, Dieu a comme projet une communauté qui devient son corps, son expression dans un quartier, dans une ville. Peut-être un moment donné, on parlera du corps de Christ, mais la communauté, c'est ça, la communauté, c'est que Dieu veut dans une localité que des croyants, des gens qui sont disciples de Jésus-Christ, se rassemblent ensemble comme dans une famille, afin de devenir l'expression de Dieu, l'expression des soucis, des valeurs de Dieu. On chantait tantôt que son trône repose sur la justice et l'équité. Hein? Hein? C'est une citation d'un psaume. Je pense que c'est une bonne façon. Là, si vous allez aller voter aujourd'hui, je vous encourage à aller voter. Si vous êtes résident à Montréal, je vous encourage à le faire. Parce que si Paul nous a déjà à prier pour eux, bien, dans le temps, ils ne votaient pas pour leur gouverneur. Ça leur était imposé. Mais quand même, Paul dit prier pour eux. Si on doit prier pour eux, maintenant qu'on a on peut les choisir, bien, nous, de se prévaloir de ce privilège qu'on a, de choisir. Bien, en ce moment-là, là, si on va voter, se rappeler, là. On veut voter pour des gens qui vont promouvoir la justice, hein, la justice pour tous, l'équité. Quels sont les candidats qui vont le mieux refléter, qui vont le mieux travailler à ce que l'administration, bien que les règlements, vont refléter les valeurs de Dieu, les valeurs de justice et d'équité. En fait, ça devrait nous éclairer dans nos choix. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Okay? Aucun chrétien n'est un enfant unique. S'il te plaît. Aucun chrétien n'est un enfant unique. Dieu n'a pas d'enfant unique. Si nous sommes ses enfants, nous appartenons à la famille de Dieu. Maintenant, là, si on parle famille, on pense à un foyer, la sûreté, la sécurité, l'acceptation, l'égalité, même, enfin, on dirait que normalement. Ça me rappelle une dame dans la Beauce. Elle avait une famille de 17 enfants. 17. Puis elle m'avait dit un jour, Jean, j'aime tous mes enfants égaux. Je les aime tous également. Mais elle dit, je sais comment agir avec chacun. J'agis avec chacun différemment d'avec l'autre. Et certains pensent que j'aime Gilles plus que j'aime Carmen. Mais non, je lui prends autrement avec Gilles. Mais Carmen est aussi importante, ou Réal est aussi important, puis elle nommait ses enfants. Je les aime tous également. Mais par contre, je connais le besoin de chacun, puis j'agis différemment avec chacun. Ça, on dirait donc, normalement, dans une famille, on trouve une égalité. Tous sont égaux. Mais étant donné que tous n'ont pas le même tempérament, la même personnalité, un bon parent va agir différemment. Dans la vie d'Israël, tous les citoyens de la nation étaient considérés comme des frères, des sœurs. Un peu comme aujourd'hui, et là, j'aurais peut-être tantôt, je vais vous montrer un petit vidéo. de Boutard Diouf, le Sénégalais, qui anime les tribus des hommes. Puis, hein? Bon, je vais vous montrer une petite vidéo après. Mais hein, dans certains, on sait que dans certains peuples, ça faisait plus fréquent, par exemple, chez les Afro-Américains, hein, qui vont dire, hein, brother, hein, parce que tu as la peau noire, tu es un frère. OK? C'est de même aussi en Haïti, chacun va s'appeler, hein, frère, mon frère, frère-moi, sœur-moi. Et puis même si ce n'est pas de ta famille, tous sont frères. C'est un peu le même concept avec Israël. Sauf que, hein, ils étaient tous quand même issus de la même famille d'Abraham. Mais la nation d'Israël était considérée comme une grande famille. Mais une famille avec quand même des distinctions dans les membres de la famille. On vient de dire qu'un hein, parent va aimer également tout le monde, tous ses enfants normalement. Dans le Deutéronome, chapitre 15, on va lire quelques versets, et aussi dans le Deutéronome 25, ces deux textes nous parlent de trois classes de citoyens que la société, en général, la société du temps, comme on pourrait dire aussi, peut-être la société, dans notre société aujourd'hui, je vais utiliser le terme la société des parvenus. Hein? On comprend le terme? Il y a des gens qui se pensent parvenus, on est parvenus. Hmm? On a un travail, on a atteint un certain standing social, on est parvenus. Ben, il y a trois classes de citoyens que la société des parvenus n'aurait pas tendance à considérer sur un pied d'égalité ou dans un rapport familier de frères et sœurs. Et pourtant, dans le Deutéronome, Dieu va dire, malgré le fait que ces trois classes de citoyens de la nation ont un comportement qui laisse à désirer, vous allez les considérer comme des frères et des sœurs. Première. On continue. OK. Donc, dans Deutéronome 15, versets 2 et 3. Et là, c'est Moïse qui va dire, et voici en quoi consiste la remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera remise. Il ne prêtera pas son prochain et son frère quand on aura publié la remise en l'honneur de l'Éternel. Tu pourras presser l'étranger, mais tu feras remise de ce qui est de ce qui t'appartiendra chez ton frère. Ça, c'était une disposition de la loi qui faisait que, à tous les 7 ans, les dettes étaient remises. D'ailleurs, un peu plus loin dans le texte, on ne prend pas le temps de le dire, mais Dieu va même mettre, par Moïse, il va même mettre le peuple d'Israël en garde en disant, si ton frère vient à toi la 6e année, ne dis pas dans ton cœur, j'y prêterai pas parce que l'année prochaine, il va falloir que j'y remette. Il va falloir que j'y donne. Il n'y aura pas le temps de me rembourser. Parce que j'y prêterai pas. Et Dieu va dire que je ne te vois pas faire ça. Hein? Que je ne te vois pas avoir cette pensée dans ton cœur. Parce que tous les 7 ans, la dette devait être remise. Donc, les gens endettés, ceux qui sont désespérément endettés, enterré sous les dettes, que dans la société, on aurait, hein, on aurait, mais aujourd'hui, hein, la carte de crédit, chargée à bloc, il y a bien des gens, ça paraît pas, sont endettés puis de leçon. Mais c'est une classe, hein, que, on pourrait dire, qu'on n'est pas trop porté à s'identifier à cette classe de gens qui s'endettent ou qui font faillite ou puis, ensuite, dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 12, « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, parce que c'était une autre disposition de la loi, Si tu ne pouvais pas emprunter parce que tu n'avais pas de capital, tu n'avais rien pour répondre, tu avais toujours le choix de te donner en esclave, ou en esclavage, devenir l'esclave de. Donc, tu me dois de l'argent, et puis tu ne peux pas me rembourser, Jules, alors tu deviens mon esclave, ou l'inverse, je deviens ton esclave. Et puis, et là, Dieu va dire la même chose, le même principe que pour l'emprunt, la dette. Il va dire, la septième journée, hein, la septième année, là, si tu vas à toi, il te servira 6 années, mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Donc, tu ne pouvais pas le conserver comme esclave pendant 10 ans, là. C'était 6 ans. Peu importe la dette que tu te devais, tu te dois 10 000, tu te dois 100 000, tu as 6 ans de servitude. La septième, tu étais libre. Et lorsque tu le renverras libre chez toi, de chez toi, tu ne le renverras pas les mains libres. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton âne, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Parce que c'est un frère. C'est un frère. Alors, peu importe la personne qui a dû se donner comme esclave, c'est ton frère. Peu importe les problèmes qu'il ait pu avoir. Une autre disposition de la loi qui se trouve dans le Deutéronome 25, 1 à 3, concernait ceux qui avaient été pris en défaut, avaient commis un crime, on n'en nommera pas, qui sont en prison maintenant, mais là, le Deutéronome va dire, lorsque des hommes auront un procès et se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu. Ben, c'était dans le temps, hein? On battait, on frappait. Dieu avait mis une limite au nombre de toutes fois que la personne pouvait recevoir, le chiffre de 40. 40 coups de fouet. Le juge pouvait dire 20, mais il ne peut pas aller au-delà de 40. Et c'est intéressant parce qu'il va dire, là, il ne lui fera pas donner plus que 40 coups, de peur que si l'on continuait à frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avéni à tes yeux. Même si ton frère a commis un crime quelconque puis qu'il doit, hein, il faut qu'il y ait une certaine punition, une pénalité. Ben, il ne doit jamais être avéli à tes yeux. Il ne doit jamais perdre sa valeur. Tu dois toujours conserver que c'est une personne de valeur. Tu as commis quelque chose de mal au niveau de la société, la justice sociétale, ben, doit être puni, mais ne pas être avéli. Parce qu'Israël était une famille spirituelle. De la même manière, l'Église, la communauté chrétienne locale, est appelée à être une famille où nous considérons les autres membres comme des frères et des sœurs. Je ne sais pas si on peut voir le petit... OK. Alors, c'est Boucard, Diouf, qui fait un commentaire. Alors, j'espère que personne ne va être blessé, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Madame, tu as les OK. Alors, attention, préparez-vous. Oui, Boucard. Ça fait deux fois, un certain nombre de gens, un peu de taxi. Et ça fait deux fois, un certain nombre de gens, un peu de taxi. Ah non. Oui. Monsieur Haïtien, un certain homme, est un chien tout le temps. Il chiale. Il est de cette catégorie d'individus qui sont restés boqués. Boqués, un bon Québécois, là. C'est-à-dire ces gens-là qui tiennent responsable l'homme blanc d'aujourd'hui des exactions et des esclavagistes du 17e siècle. Et son discours, c'est toujours les noirs, les blancs, les noirs, les blancs. Et j'ai de la misère avec la fraternité raciale. Autrement dit, que quelqu'un me rencontre, parle, et tu m'appelles mon frère, et tu parles avec des livres que j'ai demandé, et non, tu es plus ami avec toi que mon voisin à Rimouski, parce qu'on a mis couleur, j'ai de la misère. La notion de communauté, de dire la communauté noire, la communauté en forme, pas une communauté. On est des Sénégalais, des Haïtiens, des Jamaïcains qui ont des cultures, des langues, des origines. Moi, je commence à être plus proche d'un gars qui vit à Marseille, de moi que j'ai rencontré. Après, y a de ces gens-là qui te foutent de la mauvaise énergie. Tu parles le matin, tu es en forme, puis ça y est, ça commence. Moi, je suis arrivé ici en telle année. Puis j'ai de la difficulté, j'ai de la machin. Et la prochaine fois, je rencontre quand même, je vais dire, écoute. Tu sais pourquoi tu as des difficultés? C'est parce que tu es négatif. Tu es très négatif. Tu ne penses que tu penses négatif et tu bois négatif. Et je ne suis pas ton frère, en passant. Sinon, c'est tout l'aspect communautaire. Belle matière avec les mots. Alors, Boucan s'exprime sur hein, le fait que la communauté, dire un frère ça, hein, c'est pas selon la couleur de la peau, c'est pas non plus selon l'ascendance ancestrale, hein, mais que être frère et sœur, on pourrait justement dire que dans la communauté chrétienne, on est frère et sœur. Puis, il n'y a pas une ligne de démarcation avec la peau, la couleur de la peau ou du pays d'où tu viens. Mais ce qui fait de nous des frères et des sœurs, c'est le fait que nous sommes rassemblés tous autour de la personne de Jésus, que, hein, à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, qui sont devenus enfants de Dieu. Michel? Ah, mais voilà, mais Michel, c'est justement ce que Dieu vient de dire par Moïse. Ceux qui ont une conduite sont justement dans la famille. Voilà le point important, justement. C'est que Dieu va dire, par Moïse, même les frères et les sœurs, même les gens du peuple qui ont un comportement qui peut être répréhensible, hein, comme on a vu, l'endettement, l'esclavage, des gens qui administrent mal leurs biens, les gens même qui ont pris à commettre un crime, puis Dieu va dire, c'est ton frère quand même, c'est ton frère, ta sœur. Puis à ce niveau-là, on diverge un petit peu d'opinion. Parce que la communauté chrétienne est un lieu et un espace de pleine acceptation. J'aime utiliser le terme que l'Église, là, est un time-out. All right? L'Église est un time-out. Parce que si on commence à juger que le péché de l'un est plus important que le péché de l'autre, hein, c'est un blanc, le commentaire de Jésus qui dit, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre est dans ton œil, que l'Église, à mon avis, c'est un time-out. Lorsqu'on joue, que ce soit dans les sports, hein, et puis que l'arbitre va déclarer un temps mort, hein, time-out, hein, même si tu comptes un but durant le time-out, ça ne compte plus. Il n'y a plus rien qui tombe. L'Église, un peu toujours dans l'esprit de ce qu'on avait déjà dit, que l'Église n'est pas un musée, mais un atelier de travail. L'Église est un espace, un lieu d'acceptation, un lieu de time-out. Est-ce qu'on pourrait le dire ensemble? L'Église est un lieu de time-out. Faites le geste. Time out. Lorsqu'on se rend compte, on est membre de la famille de Dieu. Time out. Maintenant, on peut parler, on peut discuter, hein? On peut échanger. J'aime bien ce que Dietrich Bonhoeffer dit à ce sujet. Dietrich Bonhoeffer parle de la famille, justement. Et dans le chapitre, il traite justement des frères, des membres de la famille, qui ont un comportement répréhensible et on serait porté à juger, hein, à le réprimander. Puis, moi, ça m'inspire cette citation de Dietrich Bonhoeffer. Alors, il va dire, ce frère, le frère, tu vois un autre frère qui fait quelque chose de répréhensible. Il se contentera d'aborder le prochain avec la claire parole de Dieu, quitte à le laisser seul avec elle pour que le Christ puisse agir sur lui en toute liberté. Il respectera la limite que le Christ a voulu mettre entre nous et se contentera de la communauté fondée en Christ qui seul nous lie et nous unit vraiment. Plutôt que de parler sans cesse du Christ avec les autres, il sera amené à parler davantage des autres avec le Christ. Je l'aime, celle-là. Car il sait que le chemin le plus court vers les autres passe toujours par l'intercession et que l'amour du prochain est indissolublement lié à la vérité qui est en Christ. Plutôt que de parler sans cesse du Christ avec les autres, il sera amené à parler davantage des autres avec eux. Okay? Donc, l'Église est un lieu, un espace d'affection, d'égalité, de sécurité. Même s'il arrive, je peux tourner là. Même s'il arrive que nous soyons en dette par-dessus la tête, à cause de nos mauvaises décisions, ou notre autocentrisme, esclaves aux cartes de crédit, esclaves ou liés par des addictions, des compulsions, ou même ayant commis un crime, l'Église, la communauté, est un lieu d'affection, et d'égalité, de sécurité. C'est pour ça qu'on avait marqué sur le tableau, déjà. Vous savez, là, on a parlé de tel genre de communauté qu'on aurait besoin là, pour se sentir. Pas se sentir. Okay? Ou, moi, j'aime le fait que tu vas dire qu'on regarde la parole est là, je n'ai pas à convaincre, mais entre moi et toi, Daniel, il y a le Christ. Et je ne dois jamais me mettre entre le Christ et toi. Ça tu dis à ce moment-là. Entre chacun de nous, il y a le Christ. Et je ne dois jamais m'interposer entre vous et le Christ. C'est à Dieu. Hein? Souvent, c'est arrivé que certains d'entre vous dans la communauté m'avaient posé des questions assez personnelles. Hein? Puis je répondu, c'est en toi et Dieu. C'est pas avec moi. C'est avec moi. Moi, je peux te mettre sur des pistes de réflexion, mais c'est en toi et Dieu la décision. Pourquoi je résiste à la vie? Je reprends ma phrase. Mais pourquoi est-ce que je résiste à cet appel à la vie de famille? Vivre en famille peut être nécessaire et souhaitable, mais elle peut être énormément difficile. Pourquoi je résiste? La semaine dernière, on a posé la question, pourquoi si c'est bon et agréable qu'on résiste à faire partie d'une communauté? Hein? La réponse était l'isolement. Par nature, on s'isole. Si la communauté est une famille, Vous êtes mes frères, mes sœurs. Pourquoi est-ce qu'on résiste à l'appel à la vie de famille? La réponse, c'est que même si la famille est nécessaire et souhaitable, ça demeure quelque chose d'énormément difficile. Il est difficile de vivre comme des frères et des sœurs parce que les frères et les sœurs se chamaillent, se disputent. En anglais, on a cette expression « sibling rivalry ». J'ai cherché le mot en français. Bon. Fraternelle, c'est ça, la rivalité fraternelle, la rivalité entre frères et sœurs. Vous connaissez la dynamique. Entre frères et sœurs, on se dispute. Mais normalement, je dis bien, c'est pas, il y a des exceptions à la règle. Mais peut-être que Michael se chamaille un peu, se dispute avec sa grande sœur, Sarah, mais non, avec Tétia ou plus Tétia. Je ne sais pas si tu n'as pas la famille. Mais je suis sûr que si quelqu'un de l'extérieur, un étranger, s'attaque à ta sœur, ils vont avoir affaire à toi. Hein? Parce que entre nous, on peut se chamailler, on peut se disputer, mais que quelqu'un d'autre touche à un de mes frères, ah ben là, hein? Et je vais le défendre. Je vais le défendre. Parce que c'est la famille. On a dit tantôt que le concept de la famille est inscrit en filigrane dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais les difficultés aussi sont inscrites. On pense à la première famille, de la Bible, Caïn et Abel. On pense à l'histoire de Joseph avec ses frères qui le vendent. On pense à David avec ses frères aussi. Là, ce qu'il va dire dans le psaume 69, verset 8, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Donc, ses frères et sœurs ne semblaient pas le baquer là, comme un roi. Le Seigneur Jésus lui-même a été pris à partie par ses frères. Il n'a pas été compris par eux. Donc, nous savons que tous les enfants se disputent, c'est la famille. Chaque enfant est en concurrence pour l'attention de maman puis de papa. Mais dans notre cas, nous, on a discuté justement dans le groupe sur l'étude de chaque, que le fait que papa, le big. La big maman, là, s'appelle papa, dans le chat. Le fait que papa dit à chacun qu'il nous aime d'une façon particulière. C'est ça, Particulièrement, voilà le terme. Ce que papa va dire à maintes reprises, je te suis particulièrement attaché. On parlera de ceux qui ont reconnu la paternité de Dieu. Je pense que c'est le concept de l'Église. Le rassemblement de l'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui se reconnaissent. Maintenant, il y en a qui le sont et qui ne se reconnaissent pas encore. Mais pour tous ceux qui se reconnaissent, l'Église est le rassemblement de ces personnes-là. Nous, en somme, on rentre dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu. Et puis, on veut se trouver dans le projet de Dieu. Voilà. Donc, en terminant, nos frères et sœurs en Christ ne sont pas toujours des personnes gentilles. Ils ne cessent pas d'avoir des travers le moment où ils commencent à croire au message de Jésus et de devenir apprentis disciples. Ils ne deviennent pas soudainement des personnes de conversation agréable, des auditeurs sensibles, à l'écoute des autres, attentionné. On peut être encore égoïste et être disciple de Jésus. Mais dans un mot, nous pouvons être souvent plates entre nous, mais nous sommes des frères et des sœurs en voie de grandir ensemble dans une famille spirituelle. La communauté chrétienne continue. La communauté chrétienne inclut des frères et des sœurs, mais je suis tenté de les rejeter en raison de leur impact. N'est-ce pas? La communauté chrétienne inclut des frères et des sœurs. On a tous des imperfections. C'est pour ça que des fois on résiste. Hein? Ça fait partie de la. Bon, c'est lui, voilà. Hein? C'est un des autres, moi j'y vais pas. J'entends. Les gens vont. Vous avez déjà entendu l'expression des gens qui cherchent l'Église parfaite, puis on leur dit, ben, quand tu la trouveras, elle va devenir imparfaite. On a tous nos imperfections. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire, mais là, c'est un autre, on rentre dans une autre dynamique. Ça ne veut pas dire que si on voit notre frère qui fait quelque chose de mal, qu'on ne le prend pas. C'est justement ce que d'autres vont nous faire dire, il y a la parole. Tu donnes la parole? Une fois ta parole est donnée, tu t'en laves les mains. C'est entre lui et Dieu. Il y a le Christ et lui, entre nous deux. Voilà. La famille. Nous sommes des frères et des sœurs. Ben, on va terminer par la prière. Qu'est-ce que t'en penses, Moïse? On t'emmène par la prière? Et puis, t'aimerais ça? Tu veux nous conduire? On va se lever, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as bénis du début jusqu'à la fin. Où nous voulons partir maintenant. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui s'est déroulé, qui s'est passé ici, pour le message, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que à chaque fois quand nous venons ici, nous apprenons encore une chose nouvelle. Bien que c'est difficile de mettre ça en pratique dans nos vies, mais Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à bien appliquer et à vivre en communauté. Merci pour cette parole merveilleuse, Seigneur, et merci pour ce dimanche. Je recommande chacun de nous entre tes mains, que tu puisses retourner avec nous, Seigneur. Puis la semaine qui va commencer, je la confie aussi entre tes mains, que tu puisses bénir cette semaine qui va commencer et que tu puisses pourvoir à nos besoins. Donc, pars avec nous et au plaisir de nous rencontrer encore dimanche. Et nous te disons ainsi, merci, Seigneur. Amen.